ko waral dama gis ne même cause bobu mom lay fekk ci element b ma jël atté bima jox element a ma jox ko element b lool moy qiyas hein lool moy qiyas cause bi tax par exemple ñu téré ma lek xaj par exemple mom moy même cause bi wara tax ñu téré ma lek til parce que ñoo bokk cause til chakal wala bi ci dess rena hein non xam nga lou bi ci dess moy lou hein kon qiyas moy lolu déduction waaw déduction mais buy jugé la ci comparaison c'est-à-dire que qiyas moy lolu moy damay natalé damay melni mbir mi dama koy natalé damay tok xol a fa vraiment natalé bi ak bi ñoo nuro ñoo jégué wanto ma xamné kon li la voilà li qiyas bobu nak pour mu mëne bokku na ci li nga xamantene day tax ba qiyas duma ko mëna def duma ko bayyi xel moy lan moy su amé texte ci élément b élément a ak élément b deug la ñu bokk ay cause mais le souci fi moy ben bu ci nek sharia daf ci statut wax ne li mom moy até donc man qiyas dootul amatul lien rek qiyas liko doon indi qiyas ça marche uniquement ce fait que amul voilà texte bu définir exactement élément b exactement lol légui nak fi nak qiyas mënu fe taxaw au moment où texte ni fi moment où texte ni da nga deg légui nak mu def ban njariñ kon moy nek ci le fait que de manam ñu téré parce que ñom dañ ni ñom mo mala wax rafa lam dañ ni bo gisé kibé ñom til ñom gaynde ñom ki gaynde ñom jëf ñom ségg ga yoy moy siba moy ndegmenti bo gisé yenenbi sallalahu alayhi wasallam téré ku len lan ku jël sen der def ko ki war ki non moy parce que yoyou ci sen ki manam lool moy avant ñukoy wulli ñu na lool moy avant ñukoy wulli bo ba ñom dañ nan mais kon ban njariñ mo nek ci ñu leen di tut au moment où de toute façon bu doon xar tamit avant ñukoy wulli duñ ci mëna jariño bo ba dañ nan enquête parce que jamono joju dafa bari wor luñu lan luñu dem di wuti di der yoyou non diko jël. Donc ce qui fait yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam nak téré len ko pour préciser ni avant ni koy wulli la au moment mais suñ ko wullé rek baxna manam au moment wu bari won gi nga xamné mo lañ doon bari won nak biñ doon utiliser lool mom motax baxna légui mais bo xolé texte yi nga xamné ñom ñoy général ayyuma ihabin dubi pepp dar buñ mëna wulli faqat tahura labna da ngay gis nga day dal lan kon la contre car bi ni legui ñoom tamit dañu tondu ci hadithu sayyidat maymuna bi radiyallahu anha moy bu abbas radiyallahu ak yenen yi ci def yeb dañ nan bo gisee yoy non hadith yoy yeb dañu wat manam dañuy bayyi xel mawridun nas manam moy li tax texte bi ñu wat ko bi lan motax ñu wax ko manam ci lan la moy dañ ne am xar la gatt la te loolu da fekk na dañ koy lek kon loolu mënu ñu ko généraliser mom loolu lañuy wax mais bo xolé lan hein bo xolé le fait que yantou sallalahu alayhi wasallam généraliser ne ayyuma ihabin duqi biha idha duqi ihab bepp der buñ mëna wulli et cetera yépp day wone ne lan dafa général donc ala kulli hal lolu kon moy ñaatalal wax di ñettel bi mu def ban suñu borom xonko bi suñu borom xonko bi rahmatullahi ñom neenañ lan luñu wax hein suñu borom xonko bi wax ben parti so wolé ben parti moy la moy parti ban wa bi ci kaw non dede bi ci kaw wa legui bi ci bir dolap mo ngi mëna def yu wow ak ndox mais do ci mëna def lan so yu toy Hein? Ndox bokul ci yoy. Aha kay. Aha. Innal ma'a la ya inna jusufu shay. Hatta hadith bobu lay delu wat. Hadith bobu règle bu mag la ci Maliki rahmatullah waxon nañ lako. Biñ ci tolo hadith kan mo solo hadith bi? Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay. Ndokh dafa latay la balade te dara du ko sobel. Kon ce qui veut dire que ndokh mom ci bopam dafa am pouvoir de défendre bopam contre sobe yi de telle sorte que dara du ko sobel. Voilà. Lolu mom motax mu am lan moy li mer li nga don laaj. Voilà moy lolu. Manam mom motax mu am capacité pour meuna défendre bopam par rapport ak kibi kon feuk tiafka ngay xegge lan melo bi soppé cool ndox mi day lan lap na te day lan la balaté donc amul problème donc mo amul problème par rapport lool hein voilà légui ñoo comme hadithu dañu gis na tamit xam nga ya bisati man lu wow en fait ñaar yu wow bu lu lalanté sobe bi lu am manam kon ñom bo gisé sen bir moy buñu wulé der bi ñom d'accord nañ ci hadith yi ñuy wax mais dañu gis ni ñom hadith yoy c'est juste pour ñu mën ko jariño motax baatu intafatum bobu ma lu tax da ngeen jariño ko jariño gi lool do ci lool lay aju mais sinon comme que ci au départ med la deglu au départ med la der bi med la wulli gi mako wulli du dund ni med gi parce que med la par med la lu tax ak mom la mo wulliko mo bañ ko wulli mbir mi med la dal mi te med mom dafa lat dafa sobeu donc dina tax mo man ko jariño buma ko wulle biti bi mom dina lap mo man ko jariño mais bir bi nga xamne mom mo takko won ak yap bi parce que biti bi lan la takol ak karaw gi mais bir bi lan la takol yap bi nga xamantene mom med la mom tam de toute façon munu mako jëfëndiko dafa haram ala kulli hal munu mako lek donk mom mën na ko jëfëndiko dal ci yu waw yi moy ndax xam nga lu waw comme tay fi bu fekkene sobe dafa tak mais dafa waw sobe bi dafa tak mais dafa waw ma ngi koy gis ni buma ñëwé tek ci sama loxo wala sama yéré wala yoy sobe bi duma ko transmettre bo gisé sobe di mëna wal leneen mu nekk sobe moy day toy yu toy ñuy mëna walanté hein ñuy mëna walanté sobé mais sino budé ñaar yu woow rek bénn bi sobé la bi ci dess du sobé ñu laalanté ni duñu walanté légui am yo xamné dafa melni ay beur par exemple waaw mëna dëgël waaw après mu sey waaw légui suma jëlé beur dugal ko ci der bu nga xamné ki bo xamné der bi dafa labul manam légui beur bi tangaay bi def beur bi res waaw légi da jogé solide nek liquide waaw est ce bo beur dina ko mon difa deure ci ñom do ko man mais son état solide li am contact direct bu fekk dafa am contact direct de telle sorte que ni mu nekké lu solide nonu manam du tak ci der bi lolu baxna manam il faut mu baña am lo xamné day tak ci der sinon après lolu dang koy lél comme ni ko gissé won lolu dang koy lél rek bo dé lita waaw ñom bo wa ding ko mën jëfëndiko wala karité wala et cetera donc yi mom moy mazhab maliki rahmatullah donc sen mazhab lèr na yakarna mais lan moy wala né lolou dé séna deugar parce que mazhab bob bok xolé restriction bi dafa mag mën na sol sama veste bi kir bi mais mënu mako lañ hein mënu mako jullé parce qu'il faut ñu xam mas'al bu la waxé li lan moy conséquence ci sama vie quotidienne mas'al bu ñëk bi yu ñëk yi la doon wax naan mëno ko jëfëndiko sama conséquence ci vie quotidienne bi moy en fait cuir yi mënu mako sol mënu ma ko def tamit lan ceinture et cetera mais lolou moy su joggé ci dëkk yeen yo xamanté nak dëkk yi féri la ndax liñuy rend mëd lay do wa mais boudé ci dëkk jullit yi dina bax yéne ñu différence voilà ak tamit ça dépend ci liñuy rend lan la est ce que luñuy lek la wala du luñuy lek manam yu yep boba dang koy bayyi xel solo lan solo mazhab solo école bi liñ wax solo doctrine bi nan ni nga xamanté non lañ waxé légui bu ko défé yow bi nga notal japp né bi moy bi gëna dëgër rek yow da ngay dal da man di bayyi wala xel lan conséquences yi muy am ci sa vie quotidienne ci ceinture yi ngay sol yi ngay tak ci yere bi ngay sol sa sac yi ngay hein sa veste ah der montre wala ak yoy yep dang koy bayyi xel ak boy julli nan ngay yan nga wara julle lo waru julle et cetera bu boba tamit da ngay gis ne kon deru der yi ñu defare reptile moy ñom jaan yoy ak segge ak yoy wala ki crocodile yépp dang koy bayyi xel ci sa conséquences ci say dundu lool moy intérêt jang ñu jang masala yi lool intérêt bi manam ñuy xam aussi ngiss borom xol xol bi rahmatullah même bu fekke dañu wouté ci li ngay xol tamit manam déjà ya le fait que nga am culture bi déjà xamné ah d'accord li mo am li le fait que tam ñu gis né buma gisé keneen japp leneen duma ko blâmer ma xamné ah d'accord amna ay borom xol yu wax li té pourtant ñom aussi ils l'ont bien argumenté sauf que rek damay gis né xeyna bi mo gëna dëgër et cetera manam yoy yëpp lay am ma gis tamit né wala manam ba paré ma am culture bu large ba paré ma am ouverture ba paré di xam nan lañuy construire idéologie seen idée nan lañuy construire atay fan lay joggé le pourquoi du comment ak nan lañ koy tégué des en fait buma amé ay événement yu bëss may mëna xam nan lay délo ci ban question la ko mëna ték la ko mëna nourolé par rapport à question yi ñu ñëk ñi traité won ak nan la ko ci mëna tégué lool mo moy utilité bi donc mais utilité bi rek nekul ci né wa ñi nénañ li après waye wuté nañ ki néna du nonu ké déné dédé du nonu manam pour tamit buma yexé man sama jamono hein sama ki yu bési manam masala yu bési nga xamné mom lay jankontel moy mën di xam lan la sharia wax manam mo koy mëna délo wat ci ciossane ci wax yu ñëk ni hein voilà ak di xam tamit surtout lan la yalla tek sama kaw ak lan motax mu tek ko ci legui kon lool mom moy ñaatal bi ñentel wax juromel bi mo nekkon lan hein vous savez la dérite l'âme de sport ak xaj ah bamu dess mam ko wax ak xaj suñu hadith yi lañ jëfëndiko der yep lap nañ nangam buñ ko rendé parce que tamit ñoom dañ wax né xam nga der yi buñ ko rendé parce que loolu mata baye xel la ñu dul ñoom imam awzaï rahtaram ñeneen ñi japp né der bu baax la ñoom dañ japp né buñu rendé xar bi day taxaw rek taxawayu lan taxawayu manam buñ ko manam dakoy label parce que le fait que comme lu dagana lek ak lu daganul lek buñ ko rendé rek day taxawayu lan la dakoy label mom ak wulli ko ñoyam mais sauf que ñom dañ ne bu fekente ne lan mbam la ak xat mbam xux koku dafa sobeu comme niko alcorane waxe innahu rijsun mbam xux sobe la ala hurrimat alaykum ma tatawaddama wa lahmul khinzir dafa haram kon moy wala tamit lan sobe la xat tamit ñom dañ ni dafa sobeu dañ ni mbam xux ak xat ak lu juddo ci ñom ñaar ak lu juddo ci ñom ñaar moy lan moy lo xamantene xat moy lo xamantene xajja ko jur même bu dé benen animal da ci rax wala lo xamantene mbam xux ko jur même bu dé benen animal da ci rax loolu lañ wax manam ak lu juddo ci ñom ñaar moy wa wa am na kat dafa bari wul rek dafa rar legi kon parce que ñom dañu gis ne mbam xot xat tamit lan la sobe la comme niñ ko gisse won ci ban hadith hadith bob biñ ci tolo gissone nañ ne ñom dañu japp ne lan ñen ñoo japp ne xajju sobe ci borom xam xam ñen rek la ñen ñoo japp ne xajj du sobe maliki rahmatullah alayhi te waxon nañ ni lool mo gëna lan mo gëna deugar wa shafi rahmatullah dañ ni deul xajj sobe la okay xajj tanke yoy ay la yoon la ay la sobe la hein mais sobe lobe ah okay lool moy dañu tuddu xam nga manam yap bi parce que dañ ko mom lañu upp liñu lek mom lañu upp liñu jëfëndiko ci mbam ko mais sino mbam ko ci jëmi bopum sobe la der borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu poser benen question moy ndax mbam ko amna der est ce que mbam ko amna der dañu sukk karaw buñ ko sukké rek gaay dañ koy sukké rek jëfëndiko ko voilà exactement motax question bobu litax motax question bobu borom motax shafi rahmatullah am di wax na yap mbam ko ñu tek boole ko ci parce que xam nañ ni ginnaw bañ ko gusto deug gis nañ ni mbam ko xam na lan amna def legi yap manam deru mbam ko kon ak deru xat ñom lool lañ wax donc ñom dañ ne yi yep ki la mais comme que ñe ñom dañ ne xolal raisonnement biñ def li la ñun hadith yi wax ci affaire wulli der yep d'accord nañ ci fenn rek lañu d'accordul ak yeen fenn kessa lañ d'accordul ñune moy lan ñune moy mbam ko ak xat parce que ñom ñaar xolal liñu raisonnement biñ def bayil xel parce que ñom ñaar bu ñuy dund sax ay sobe lañ kon degi ak dundu gi amul différence au moment buñu dundu sax sobe lañ ko xamne bi muy dundu sobe la amul han nga wulli ko nga bañ ko wulli nga rend han nga rend ko nga bañ ko rend ñoyam au moment où sobe la rek mom do façon sobe lañ nek voilà baxna wax jojo nak haqiqatan sudul won hadith ibn abbas bi radiyallahu anhu biñu gis moy nek bi gëna deugar apa deug du bob waxu imam abu hanifa bi lay ron radiyallahu anhu imam abu hanifa ngay hanafi yi luñu wax mbam ko rek lañu jenné parce que lan xat sobe mais hanafi rahmatullah ñom dañu japp né mbam xux sobe parce que alquran du ko tuddu mu nek sobe bu woor et cetera mais and ak lolou yep pourtant xat sobe la ci ñom mais and ak bu lolou boole wuñ ko ci parce que dañ ko boole ci lan ci yenen ndegment yep ñom dañ japp ne yenen ndegment yep non lañ mel tamit yenen ndegment yep buñ ko tay oublé baxna mais ñom tamit dañ jëfëndi ko hadith yi et cetera comme niñ ko gissé légui mu dess benen wax ju moy wax al qadi abu yusuf az-zahir rahmatullah alayh bobu nak mom moy bi gëna dëgër inshallah ndax texte bi ni mu léré ci wax na bëpp der ayyuma ihab der bu nu mëna wul day ra dal ha bu nu mëna wul ha façon wala di baxu juludul may tata tuhura bu nu wulé deru mi rek day dal ha dëd juroom ben moy mbam ko bi kessé xat rek mom mom lañ ci gënné wal ba wa moy hanafi rahmatullah wa al qadi yusuf mom ban ngir le gënon djégé al qadi abu yusuf hanafi la mom moy ñaarélu imam bu mag bi wa mais sauf que parfois ñom en fait da ngay xamné parfois ñom même hanafi rahmatullah moy comme ñepp hein comme mbolam mazahib bi lolou da ci bari daf ci am bo dégué ñu né la li moy mazhabu shafi wal hanabila wala maliki wal hanaf tekki wul ne moy waxu imam bi tout temps tekki wul lol parfois imam bi wax ben wax borom xam xam yi bok ci ngir bi talibem yi wala ñi ñew ci ginnaw gis ne amna jenen wax ju ko gëna deugër jo xamantene imam bi bu gisoon wax joju jojo lay wala bu gisoon argument yi soutenir wax joju bobu lay japp talibé yoy di ki bañu bari nak a am man ñu né nak finalement suñu mazhab li la suñu doctrine li la même bu fekkenté né suñu imam waxul won lool lool tax mu nek mazhab doctrine c'est à dire que imam bi mom mo jangalé duk manam mom moy manam les jalons ak base yi ak fondement yi ak méthodologie biñuy xolé biñuy jangé imam bi moko tek mais imam bi du mom moy ko xamantene tout temps mom day tok ni lu mu wax rek ñepp ni gongo du lool dëd du lool affaire bi dañu nonu différence effectivement am entre buñ né li moy wax bi imam malik wax wala bok li moy wax bi mazhab maliké wax amna différence wax nak bi mazhab bi wax mo upp doole wax bi imam bi wax parce que mu mené imam malik rahmalahu wax na nangam ci mas'ala fiqhi bi lolu limi tek moy mom la engagé wax ci est ce que wa école bi dañu tenir dañu soutenir wax joju japp ko continuer ko diko appliquer wala appliquer wuñ ko lolu benen affaire la day gis par exemple tay wax jo xamantene ci mazhab hanafiya rahmatullah par exemple su fekete ne imam abu hanifa rahmalahu dafa am ben position ci ben masala ñaari yenen ñaari imam yi manam talibem direct yi seuf ci mom te mom moy al qadi abu yusuf ak Mohamed ibn Hassan al-Shaybani rahmatullah alayhi ñom ñaar ñu am benen position bu wuté bu imam bi seen wax moy nek mazhab bi naam la imam bi non imam bi mom tay par exemple ñom ñatt ñep bu ñu wuté li ñuy wax waxu imam bi moy nek mazhab bi bu fekente ne al-Qadi Abu Yusuf mom rek mo péro comme fi da ngay gis ne mazhab bi moy waxu imam Abu Hanifa su fekkante ne par exemple da nga gis ne mais ñom ñaar suñu bokké wax seen wax moy depp doole waxu imam bi mom kessé après mu dess ak ñom zufar ñom tamit ak ñen ñom imam ñu bari lañ légui nak so xolé rahmatullah ñom zufar ibn zuhayl légui nga xol tay su fekkante ne mazhab shafi'i rahmatullah su fekete ne da ngay gis shafi'i suñu waxe ben wax imam ash-shafi'i wax ben wax imam an-nawawi ak imam ar-rafi'i rahmatullah alayhi ñu wax du wute ak waxu bi imam shafi'i wax seen ñaari wax way moy nek mazhab bi hande ha voilà ak solo tamit parfois tamit wax ji ñom ñu wax li mais mu am yeneen imam yu bari comme ñom imam al-haramayn ñom ghazali al ju ta papa imam harman al juwayni abu muhammad al juwayni rahmatullah ak ñeneen hein ñu wuté mazhab bi lay lay doon maliki rahmatullah so ñewé ci seen mazhab nga xol ñom bon comme ñeneen ya dañu am ay comme dañu am parce que ay école lañ ci bir mazhab bi dañu am ay école am misri yu ne wa misra égyptien mu am té ñu mu am iraqi yu ne wa iraq mu am madani yu lay ha wa madina amna benen makhariba yi ha wa moy makhariba yi wa makhariba yi moy maroc algérie tunisie andalousie espagne ñoñe makhariba yi ñoñu ay école lañ manam kon ñent grande école yoy ñu composer mazhab maliké ñom par exemple sen wax su fekente ni imam dañu gis par exemple misri yu ne wa misra tax dal ak ñom ashab ñom al abu ibn qasim ha ñom non lays duta du maliki ha sahnun non dede sahnun ci ki la bok sahnun fi la bok magharibi la ci dess ñu tuddu ashab tudna ashab abdullah ibn wahb ibn Abdul Bar wala no Abdul Bar andalousien andalousien ñoo ñoom par exemple ñi ñi ma la tuddal ni han nga xamne ñoy maka ñom ñoy wa misra ñoo suñu amé ben wax buñu jël japp ko seen wax moy mazhab bi ñom ñom buñu bokké wax seen wax ay mazhab bi ci yeneen waaw lool motax parfois dina mazhab imam malik wuté nañ ci question bi nangami wax ñoo ci am nangam bi mom moy wax mazhab bi parfois yeneen wax ñoy gëna dëgg lool tax dafa am luñuy wax mashhur li mo gëna siiw am luñuy wax as-sahih ak ar-rajih li moy li wër par contre xam nga wax ji gëna siiw boku tek wax ji gëna wër yoyep day am ci mazhab bi dañ na li moy mashhur mazhab li mo gëna siiw nangam bo xolé nak yen tere ko muxtasar khalil hein Allah la yoy non ñom mashhur la ñi wax souvent li gëna siiw mais mën nañu bañ wax li gëna wër lo tax imam khalil rahimahullah ci yenn pour ki mu def ci ben innovation bo xamne day wax al mukhtar al asah al ki selon kiko wax manam li nit gëna tan li gëna wër li gëna et cetera ala kulli hal manam pour wax la rek na mazhab ci seen bop dañu am ay fonctionnement manam fonctionnement fi interne bo xamantene c'est beaucoup plus compliqué lolo tax souvent buñuy wax so len setlo fi dañuy wax rek mazhab bi li la wax duñu wax ne imam bi li la wax mazhab bi maliki li lañ wax daf li lañ mais lolo d'une manière générale la cela veut pas dire que kep kuy maliki rek lolo la d'accord cela veut pas dire que kep kuy hanafi rek ben wax la wax motax so xolé d'ailleurs bo xolé xolal jëlul ko par exemple exemple théorie nga jël muhtasar khalil risala bu ibn abi zayd nga jël muqaddimatul azziya nga jël asmawi nga jël al-akhtar nga tek len ci même question yi nga xamantene comme imam al-akhtar rahmalahu comme te muqaddim ki bi muhtasaram mo gëna tuti nga xol ci même question yoy di nga ci gis souvent ay woute yo xamantene da nga ah ki dafa wax li keneen wax lenen keneen wax bokku liñu wax ndekete mais lolu dinaay am ci biir téré yi bo len day xol lolu nak liko waral moy ne a umma don ñom dañu am yuñu notal yuñu japp ne li mo gëna deugar ke wax ji mais wax ji nga xamni moy li gëna deugër bo xol bo xolé bu ko tam motax wax ji gëna deugër nak ci wax ye souvent dang koy fekk ci muxtasar khalil wala ki bi ad dar durda subhanallah ashalul aqrabul masalik wala aqrabul masalik bobu okay bobu moy téré gëna wër ci di wax lan la mazhab maliki wax non bobu khalil la bu mu jël rek dindi wax yi nga xamantene ñoy wuté yi nga xamantene wëru lu rek la def mais muhtasar khalil li tax mu gëna bax par contre mom moy day indi divergence ci mazhab bi bir mazhab bi ci bopam day indi divergence motax nga gis mu nan wax ji kat wax lu bare ci am fi aqwal wala qawlan dal di wax nangam dal ni ñaari wax am na ci wala yoy muhtasar khalil day def lool alors que mom bu def lool taw wala kon lool mom mo nekkon suñu masala bi nga xamantene mom moy masala bi xamna yeneen masala yi nak ñoo gëna gatt bi boom dafa gudd dafa laaj temps dafa laaj développement motax ñu yagge ci ni mais kon ñu xamna ñoom fofu inshallah benen yoon ñu yeggale yeneen masala bi inshallah yeneen masala yu fiqi wallahu ta'ala a'lam kon 7e position mo gëna deug mo gëna note mo inshallah mo gëna deug ndax mo gëna depp ak taxi nga mo gëna fi dalat taxi ndax mo leen taxi d'accord nañ depp lu ci ben wax mo yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa ne der buñ ko wulé da di lap té mbolam yenen hadith yi ñuy xol di téré ñu der sangam buñ xolé hadith yoy yeb da ngay gis ne so der bi avant ñukoy wulli la soit baatu ihab lay jëfëndiko bu tekki ne der bi dafa ni koy wulli la wala yu mel non wala hadith ni 3e ban fi yunus sallallahu alayhi wasallam wa wala bobu la wax ne hadith bobu xam nga tay bo xone bo compare yenen hadith yi xam nga lol mom motax waxu ñu mo law zaay wax aw xawa am doole tuti mais suñu xole da ngay gis ne lol moy avant ñukoy wulli la do gis ni si ki avant khalis que souf mëna dindi sobe waaw ram sey resu taxé souf yi dëré légui est-ce que derbe suñ koy wulli suñ ko ci wé ak souf bi rek mëna doy pour que derbe mëna laaf waaw lolou masala la bo xamantene inshallah dinañ ko gis mais effectivement souf ci li gëna dëgeer ci waxu borom xam rahmatullah parce que ñaari wax la wax ji nga xam ni mo bi ci gëna dëgeer souf mëna dindi souf kessé waaw nga mën nga ki ko ni ba mu woow nga wiss ko ci bu baax wala ay pënd wala doomu taal wala yoy non nga def ko pour nga wulé ko parce que yoy yëp bir mi en fait fiñuy déllu moy ñi xam mbiru dér ñom moy wuré yek ga yoy amna ñom xam nañu mbiru dér ñoñu luñu ci wax manam ne buñ ko wulé manam ne buñ ci défé nangam dana tax dér bi wulé ko complètement tenu manam bax ñu mën ko utiliser usage bi mëna bax ba paré di dem à long terme nangam rek da di bax té lool dañu gis né souf ci tan ko man et cetera doomu taal ak ñom ñu gaay yépp mën nañ ko Allahu ta'ala a'lam. Radiyallahu ma waw manam ci hadith yi ci buntu bi bo moy bi gëna général moy bi généraliser mbir mi d'accord par exemple buntu ndox bo jëw ci hadith bo la par exemple bo bokul bi la général ci wa surtout ñaarël bi wa